Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, New York 1915, Marcel Duchamp révolutionne l'art. Marcel Duchamp, l'artiste qui dès 1913 eut la drôle d'idée d'exposer une roue de bicyclette posée sur un tabouret de cuisine, ou un porte-bouteille vide acheté dans un grand magasin. À New York, Duchamp poussera l'audace jusqu'à proposer à un salon d'artiste un urinoir en porcelaine. Comment un objet aussi trivial élevé au rang d'œuvre d'art? Est-ce un coup de génie ou une blague de potache? Toujours est-il que l'urinoir, dont l'original a depuis longtemps disparu, est aujourd'hui pour beaucoup l'œuvre d'art la plus influente du XXe siècle. Depuis, sans doute malgré lui, l'artiste Duchamp a été enfermé dans le label intellectuel, conceptuel. Et pourtant, si l'art est bien une chose mentale, il est aussi affaire de corps, de rencontres, d'époque. L'histoire que je vais raconter ce soir a des faux airs de Jules et Jim. Un trio amoureux et fantasque, Marcel Duchamp, Francis Picabia et Gabriel Buffet. Une histoire aussi assez immorale. Pendant qu'en France, les enfants Picabia sont en pension et qu'à Verdun, les poilus meurent dans les tranchées, Gabriel, Francis et Marcel, eux, font la bringue à New York et réinventent l'art. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bernard Marcadet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et critique d'art, organisateur d'expositions indépendants et un grand connaisseur de Marcel Duchamp, puisque vous lui avez consacré une biographie. Alors c'est drôle, quand on pense grand artiste du XXe siècle, figure de l'art moderne, on voit tout de suite Pablo Picasso, on a en tête ses œuvres, un visage, un regard, un corps. Mais Duchamp, Marcel Duchamp, c'est un grand inconnu. Oui, évidemment, Picasso, il occupe vraiment la première partie du XXe siècle, même jusque dans les années 70. C'est une figure majeure, une figure imposante, physiquement. Duchamp, c'est tout à fait le contraire. Duchamp, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se cacher, d'une certaine manière, à se dissimuler. Et pourtant, son influence est aussi importante que celle de Pablo Picasso. Et c'est un des paradoxes de l'art, et de l'histoire. C'est un homme qu'on connaît peu de son physique, déjà, et pourtant il est français. C'est un Français. Français normand. Et il a eu une influence importante sur l'histoire de l'art. Il est peut-être presque plus américain que français. Il est d'ailleurs devenu américain dans les années 50. Donc c'est un franco-américain, un artiste transatlantique qui inaugure d'une certaine manière, évidemment, la situation de l'art au XXe siècle. Disons qu'il la cristallise magnifiquement. Donc Marcel Duchamp, vous le disiez, est né en Normandie. C'est un fils de notaire de la région de Madame Bovary, d'ailleurs, le roman de Gustave Flaubert. Et il va avoir cette trajectoire étonnante. Qui est-il en 1913, quand l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence? Alors il est assez timide encore, et il est très très lié à ses frères, qui sont artistes aussi. Raymond Duchamp Villon et Jacques Villon, ces deux frères aînés, ils sont à Puteaux. Ils se sont déplacés de la Normandie à Puteaux et à Montmartre aussi. Les frères de Marcel Duchamp sont très liés au cubisme, à ce qui est le cubisme à ce moment-là. Alors le cubisme, ça se divise en deux à ce moment-là. Il y a le groupe de Picasso justement et de Braque, et le groupe des frères de Marcel Duchamp lui-même et Francis Picabia. Et donc les deux groupes ne s'entendent pas particulièrement. Le groupe de Puteaux est beaucoup plus ennuyeux que le duo Braque-Picasso, qui est beaucoup moins, on pourrait dire, moins intellectuel. Voilà. Donc au début, Marcel Duchamp, et donc il s'ennuie un petit peu avec ses frères à Puteaux, etc. Et c'est Francis Picabia précisément qui le réveille. Francis Picabia et Gabriel Picabia. Gabriel Buffet-Picabia, qui est la femme de Francis, qui est une très belle femme, une femme qui est très très très importante et qui a fait de la musique. Et du coup, c'est elle qui va un petit peu vraiment bouleverser la vie de Marcel Duchamp, qui, de timide fils de notaire un peu étriqué, va, grâce à Francis Picabia, grâce à ce couple extraordinaire, va effectivement se développer, s'ouvrir et découvrir la vie et le monde. Et donc l'art à ce moment-là, en 1913, c'est ça essentiellement, c'est le cubisme. Oui, c'est le cubisme, c'est un petit peu déjà le futurisme italien. C'est Paris est véritablement Paris, la capitale. Paris est la capitale, évidemment, du monde de l'art. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent des aficionados, on dirait, américains, qui sont fous de l'avant-garde française. Et c'est comme ça qu'ils vont effectivement se retrouver à New York. En tout cas, leurs œuvres, dans un premier temps, leurs œuvres. Et Francis Picabien ainsi que Gabriel vont faire le voyage. Alors Bernard Marcadet, nous poursuivrons tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, New York 1915, Marcel Duchamp révolutionne l'art. Un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet. Ça fait du bien de sortir un peu. J'ai envie de vomir. Plus personne ne met le nez dehors avec la tempête. Moi, je supporte pas de rester enfermé. J'espère qu'on pourra arriver à New York. On n'a pas fait tout ça pour couler comme des pierres. Tout le monde disait déjà qu'on était faux de partir. C'est vrai, les billets étaient chers. Francis vend peu. On est fauché pour l'instant. Pour l'instant. Car ça va marcher, c'est sûr. C'est juste que les autres ne sont pas prêts. Mon idée... c'est que la peinture doit être aussi libre que la musique. Se libérer de la représentation, Francis y est presque. New York va l'inspirer, j'en suis certaine. Ce voyage va être une bouffée d'air, une... Je crois que je suis enceinte. Francis va être ravi. 3 enfants, 4 ans de mariage. Enfin bon, pensons à New York. Janvier 1913, Gabrielle Buffet-Picabia, la jeune épouse de Francis Picabia, est sur le pont du paquebot La Lorraine. Ils sont partis sur un coup de tête, comme toujours avec Francis. Ils veulent voir l'Armory Show. C'est un projet gigantesque. Plus de 1300 peintures et sculptures modernes sont montrées pour la première fois aux États-Unis. Parmi les artistes, Francis Picabia est le grand ami du couple, Marcel Duchamp, mais également Picasso, Braque, Léger, Delaunay, Glaise, les frères de Marcel Duchamp, bref, toute la petite clique du cubisme français. Le voyage est difficile. Les époux ont pris des billets de 3e classe, les moins chers. Picabia, fils d'aristocrate, vit mal ce déclassement. Heureusement, pour lui remonter le moral, il y a le spectacle de la nature déchaînée et une jolie danseuse qu'il va voir tous les soirs. Ah, te voilà! Tu étais sur le pont! C'est beau, hein? Oui, je suis trempée. Quelle vague! Fais quand même attention à ne pas passer par-dessus bord. Tu sais ce que j'ai entendu aujourd'hui? Non. Si le bateau coule, il n'y a pas de canot de sauvetage pour les 3e classe. C'est une honte. On nous laisse à l'eau pendant que les riches sauvent leurs bagages. Enfin, c'est comme ça quand on n'a pas d'argent. Ce sont les joies de la vie d'artiste, j'imagine. Francis, je suis sûre que ça ne va pas durer. Sur le pont, j'ai eu une intuition. New York va changer beaucoup de choses. Les Américains sont plus ouverts d'esprit. Tu crois ? J'en suis sûre. Pour toi et pour Marcel. Le nu descendant un escalier de Marcel, là-bas, ça va faire un tabac. Marcel Duchamp, un tabac ? Si ça pouvait être vrai. Enfin, allez, à tout à l'heure. Tu ressors ? Ah oui, je vais au spectacle. C'est formidable. Tout le monde est mort de trouille, le plancher fait des bonds en l'air, et sur la scène, on danse. On danse tous les soirs, ce que je vois. Tu auras mangé quand je reviens? J'ai pas très faim. Francis, attends. Tu veux que je reste avec toi? Non, vas-y, amuse-toi. C'est juste... c'est idiot. Je voulais juste te dire que je suis heureuse. Moi aussi. Francis croit peut-être que je n'ai pas remarqué pour sa danseuse. Tu es ma perle. Enfin, ça n'a absolument aucune importance. Au contraire, ça lui fait du bien et ça lui donne des idées pour ses peintures. Si Gabrielle Picabia a bien une chose en horreur, ce sont les conventions bourgeoises. Jeune femme farouchement indépendante, elle est parvenue à s'imposer dans un monde d'hommes et à faire des études poussées de composition musicale. Puis en 1909, elle a rencontré le peintre Francis Picabia. Elle a alors troqué ses partitions contre le rôle de muse et d'intellectuelle. Depuis qu'ils ont rencontré Marcel Duchamp, les Picabia mènent avec lui une réflexion intense sur la peinture. De leur rejet commun de la culture ambiante, va naître la révolution artistique et intellectuelle connue sous le nom de Dada. Ce voyage à New York en est la première étape. Paris, Francis déprime. Il n'arrive plus à peindre. Paris est une ville assommante. Ces derniers temps, il n'y en a que pour les cubistes. Francis et Marcel sont courageux. Il faut qu'ils tiennent le coup. D'ailleurs, j'espère qu'il n'a rien remarqué pour Marcel. Faut pas trop que je pense à lui. Gabrielle, elle aussi, a son petit secret. Marcel Duchamp, l'artiste qui va bouleverser le monde de l'art, n'est encore aux yeux des autres qu'un jeune homme de 26 ans, discret, sérieux et poli. Ses deux frères aînés, peintres eux aussi, connaissent un certain succès et le laissent dans l'ombre. Duchamp travaille comme employé dans une bibliothèque et se tient à l'écart des milieux artistiques. Mais Gabrielle a tout de suite vu en lui une intelligence remarquable et un esprit farouchement indépendant. Une relation de complicité se noue entre eux, qui devient vite, pour le jeune Duchamp, un amour passionné. L'été dernier, alors qu'elle était en transit dans une petite gare du Jura, en rentrant de chez sa mère, Marcel lui a fait une bien étrange surprise. Mais d'où tu viens comme ça ? De Munich. De Munich ? Je viens de faire 700 kilomètres. J'ai changé 4 fois de train. Je suis passé par l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et enfin la France. Alors ça, je m'attendais pas du tout à te voir ici. Tu aurais préféré que je ne vienne pas ? Pas du tout, non, mais tu sais que je dois repartir dans une heure. Je voulais juste te voir. J'ai besoin de te parler. De me parler, mais de quoi ? Tu me manques, Gabi. Je m'ennuyais horriblement à Munich. Pourquoi t'es parti là-bas ? J'avais besoin de quitter Paris. Tu me manques aussi. Tu veux bien t'asseoir un peu avec moi ? Juste un instant. Les artistes m'ennuient, je ne les supporte plus. Je suis de plus en plus persuadé que je n'ai absolument rien en commun avec ces gens. Il n'y a que toi et Francis avec qui j'arrive à parler. Qu'est-ce qui te tourmente ? Je voudrais te montrer ma nouvelle peinture, La Mariée. Elle est à Munich, mais je la rapporterai à Paris quand je l'aurai finie. Je n'ose pas la montrer à mes frères, j'essaye un style nouveau. C'est à la fois une femme et en même temps une machine. Une machine érotique ? C'est exactement ça. L'autre jour, tu me disais que tu recherchais la quatrième dimension. Ça a un lien avec cette peinture ? Oui. J'ai beaucoup repensé à notre discussion sur la musique. Tu dis toujours la musique n'imite pas la nature. Je pense que la peinture, c'est pareil. Elle n'imite pas, elle invente ses propres règles. Pour moi, il y a une quatrième dimension. On ne peut pas la voir à l'œil nu, mais la peinture peut la refléter. Comme une ombre plate qui reflète un corps en volume. Et ta mariée, c'est un être de la quatrième dimension ? Ma mariée, c'est un être supérieur. Érotiquement supérieur. Je voudrais te l'offrir, mais je n'ose pas. Je vais la donner à Francis. Ça me ferait plaisir qu'il la garde. C'est un portrait de moi, en somme. Gabi, je sais que je ne devrais pas le dire à cause de Francis. Mais je pense à toi tout le temps. Ce soir-là, Gabrielle rate son train, puis le suivant. Elle et Marcel Duchamp discutent pendant des heures, assis sur un banc par cette belle soirée de juillet. Marcel tremble de désir pour elle, mais il ne se touche même pas. Gabrielle est cette femme mariée et plus âgée qui lui inspire à cette période un grand nombre de tableaux. De retour à Munich, il peint « Jeune homme triste dans un train ». Je ne m'attendais pas à ce que Marcel fasse quelque chose d'aussi romantique. Il est si timide. Il est très beau, en fait. Je n'ai pas vu qu'il avait les yeux aussi brillants. Paris, avril 1913. Les Picabias sont de retour de New York. Porteur d'une grande nouvelle. Tous les tableaux de Duchamp ont été vendus. Mais c'est surtout son nu descendant un escalier qui a éclipsé toutes les autres toiles. Le tableau représente une sorte de pantin de bois aux membres démultipliés et s'inspire des photographies d'Étienne Jules Marais sur le mouvement. Jamais on n'avait encore employé cette technique dans le domaine de la peinture, même si en Italie, au même moment, les futuristes se posent les mêmes questions. Marcel ! Ma chère Gabi. Francis, c'est Marcel. Ah, dis-lui que j'arrive. Formidable. Comment vas-tu? Je vais merveilleusement bien. Nous allons lui raconter New York. Gabriel. Tu m'as manqué. Gabriel, va chercher le whisky pour Marcel. Marcel, quel plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Il faut qu'on te raconte tous les détails. C'est vraiment extraordinaire. On s'est amusé. Ah, j'imagine. Nous avons été reçus comme des messies. Là-bas, tout se confie dans l'académisme. Les artistes n'en peuvent plus. Ils veulent de la liberté. Et comme tout le monde se passionne pour l'art, la France leur semble être un paradis. Il y a un nombre incroyable de gens fortunés qui ne demandent qu'à soutenir l'art moderne. Mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est l'exact inverse d'ici, alors. Où il y a 10 fois trop d'artistes. C'est ça. Et ton nu les a tous mis sans dessus-dessous. Quel scandale, Marcel. Quel beau scandale. Une réussite. Pour mon nu. Tu ne peux pas imaginer. Tout le monde en parlait. C'est un succès phénoménal. Ce qui les a le plus choqués, vois-tu, c'est l'idée d'une femme nue qui descendrait un escalier. Ils trouvaient ça indécent. Alors ça, vous m'étonnez. À Paris, mes frères n'ont pas voulu l'exposer, ils ne l'ont pas trouvé assez cubiste. Tu n'imagines pas, Marcel. À New York, tu es un peintre célébrissime. Plus que Picasso. Tu n'as pas l'air de te réjouir. Si, bien sûr. Mais à mon avis, ils m'auront oublié dans 2 semaines. Enfin, assez parlé de moi. Et à part la peinture, qu'avez-vous vu à New York? Il paraît qu'ils ont des ponts magnifiques. Je ne me souvenais pas que Marcel était si séduisant. Quel personnage extraordinaire. Francis lui parle de sa gloire et lui, il garde son calme. À croire qu'il s'en fiche. Je pense que je devine. Les Américains aiment sa peinture, mais lui, il est déjà passé à autre chose. Il veut aller plus loin. Comme toujours, Gabriel a parfaitement cerné Marcel. Celui-ci ne la quitte pas des yeux, heureux d'avoir retrouvé la femme qui l'inspire le plus au monde. Pour mener à bien sa révolution dans le domaine de l'art, il a besoin de ses 2 amis. Lui et Gabriel vont devenir amants, sans que Francis paraisse s'en rendre compte. Mais le temps joue contre eux, et la guerre qui se prépare va bouleverser l'équilibre de leur petit trio. Août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Tout change très vite. Avec la mobilisation générale, Paris se vide de sa jeunesse. Picabia est mobilisé et parvient à se faire nommer chauffeur d'un général. Duchamp, lui, est réformé à cause d'un souffle au cœur. Ils ne connaissent pas les combats, mais s'enlisent au fil des mois dans le Paris en temps de guerre. Sans amis, sans couleurs, sans joie, où l'art moderne n'a plus de rôle à jouer. Marcel nous a prévenu qu'il arrivait. J'espère que tout va bien. Je m'inquiète un peu pour lui. Francis dit qu'il s'ennuie, mais au moins il est en sécurité. Marcel, on ne l'a plus beaucoup vu depuis le début de la guerre. Quand je pense que ça fait déjà presque 1 an. 1 an à faire la bénévole à la Croix-Rouge. Enfin, je n'ai pas le droit de me plaindre avec tous les amis qui sont partis au front. Ah, te voilà. Gabi, est-ce que Francis est là? On t'attendait. Tout va bien? Marcel, tu saignes. Je suis encore sonné, on vient de me jeter des pierres. Quoi? Qui ça? Mais où? Là, à l'instant, dans la rue, je ne sais pas, un groupe devant un bistrot, des gens qui trouvaient sans doute que je n'avais pas l'air patriotique. Tu n'as rien de cassé? Ce n'est rien, vraiment rien. Écoutez, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu vous prévenir que je vais partir. J'en ai assez de paille. Oh, la belle idée! Depuis 1 an, plus moyen de parler d'autre chose. La guerre, on me traite de planqué toute la journée, c'est invivable. Pour aller où? À New York. Excellent! Fantastique! Et ils te laisseront partir? New York, mais c'est parfait, on t'accompagne. Quand pars-tu? Dans quelques semaines, au plus tard, le temps de régler les papiers. Gabi, je ne plaisante pas, on part avec lui. Ne sois pas ridicule, Francis, tu ne peux pas, ce serait déserté. On va trouver quelque chose. Non, sérieusement, j'y pense depuis un moment. Je peux faire jouer mes relations cubaines. J'ai reçu la visite de l'artiste qui a organisé l'art Morichaud. Il dit que je pourrais trouver du travail. Mais bien sûr, tu vas adorer. C'est une évidence, les gens aiment ta peinture là-bas. Au fond, ça m'est égal. Je ne pars pas à New York. Je quitte Paris. On étouffe ici. Quand pars-tu? Cet été? Je ne peux pas te laisser partir tout seul. Gabi, tu m'accompagnes ou pas? Tu me fais rire. Dès qu'il s'agit de voyage, Francis est sur le pont. Mais je peux pas laisser les enfants. Les enfants? Bon. Eh bien, tu nous rejoindras plus tard. J'envoie un télégramme à mon oncle cubain. Avec tous les amis qu'on s'est fait là-bas, on va s'amuser. Picabia embarque au mois de mai 1915, sans Gabriel. Grâce à son père qui travaille à l'ambassade cubaine, il a réussi à trouver une mission diplomatique compatible avec son engagement militaire. Aller négocier à Cuba un achat de sucre et de mélasse pour la France. New York est une escale sur sa route. Il y est rejoint peu de temps après par Duchamp. Quant à Gabrielle, elle s'installe dans le Jura, chez sa mère, avec ses enfants. Toujours pas de lettres depuis 2 mois. J'ai beau connaître Francis, je commence à avoir peur. Et s'ils avaient eu un problème? Il s'est peut-être fait arrêter. Francis peut être si maladroit parfois. De l'autre côté de l'Atlantique, les 2 larrons sont pourtant bien vivants. Marcel Duchamp a été accueilli à bras ouverts par Walter Arensberg, un riche mécène et poète à ses heures, très curieux de connaître l'auteur du nu descendant un escalier. Quant à Picabia, oubliant toute prudence, il se laisse happer par son escale new-yorkaise et ne se rend pas à Cuba. Arensberg introduit les 2 amis au petit monde hétéroclite de ses soirées mondaines. Marcel, je vous ai entendu tout à l'heure dire quelque chose comme de la poésie. J'ai trouvé ça charmant, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que c'était... Vous avez un petit glaçon de satin? J'expliquais à cette dame que l'on pouvait dire en français « Madame, vous avez un joli caleçon de satin. » Mais pas « Madame, vous avez un sale con de catin. » Tu es toujours en train de donner tes leçons de français à 2 $ de l'heure? Elle se rend du succès. Ah, j'y tiens beaucoup, elle me rapporte un peu d'argent, ça m'évite de vivre de la peinture. Marcel aurait pu s'engager avec n'importe quelle grosse galerie, mais il les refuse toutes. Parce que vous ne peignez plus. On n'a pas plus de 2 heures par jour. Je peine à terminer mon grand verre, j'ai commencé il y a des mois, c'est un travail fastidieux. Vous avez absolument raison. À quoi bon se fatiguer? New York est rempli de gens qui ne font rien. Je ne fais pas rien du tout. J'étudie vos mœurs. Je trouve la vie américaine très intéressante. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je préférais vivre que travailler, je trouve ça plus artistique. Marcel étudie surtout la femme américaine? Elle te tourne autour comme des mouches. Et alors, qu'en pensez-vous des femmes ici? Très impressionnantes. Belles comme des machines, une beauté froide. Le plus étonnant, c'est qu'elles vous proposent constamment de faire l'amour. Oui, il faut être prévenu. Où l'art est de savoir décliner, on n'est pas toujours d'humeur. Oui, oui, c'est dans l'air du temps. Tout à l'heure, le baronne fait son striptease. Est-ce que vous avez vu? J'ai dû manquer ça. La baronne von Freytag. Celle qui est chauve avec des sourcils violets. Oh my God. Et tu veux plus de m'excuser, je crois que ma femme est ivre. Et notre ami neurologiste, c'est... Oh my God, et cet ami s'est relancé dans un discours sur l'art moderne. Ça lui donne le tournis. Quel peuple, quelle belle envie de vivre. La seule chose qui me chiffonne, c'est leur adoration de l'art. Surtout de l'art européen. Ils n'ont pas compris que l'Europe est complètement finie. Notre culture s'encroûte dans une conception romantique de l'art. Ici, c'est encore possible de penser. Tu sais que j'ouvre ma nouvelle galerie bientôt. Tu ne veux pas exposer avec moi? Exposer? Mais quoi donc? Montre ton grand verre. Ah non, non, il n'est pas prêt. Tu sais quoi? On va demander à Gabrielle de venir nous rejoindre avec les œuvres de Paris. Mais oui, ça va lui faire plaisir. Je suis sûr qu'elle s'ennuie dans le Jura. Notre Gabrielle, il faut qu'elle profite de New York. Enfin une lettre. Donc ils sont vivants. Gabrielle, peux-tu me rendre en urgence un service de la plus haute importance? Alors là, sans blaguer, il me demande de lui amener ses tableaux en Amérique. Pas un mot pour les enfants. Rien sur la guerre. Traverser l'Atlantique, manquer de se faire torpiller pour lui amener ses tableaux. C'est vraiment du Francis Picabia. Peu rancunière, Gabrielle Picabia place ses enfants en pension et gagne New York en octobre 1915. Après un éprouvant voyage chargé d'encombrants tableaux, elle débarque à l'hôtel Brevoort, où loge Francis. Les premières embrassades lui paraissent un peu froides. Puis Gabrielle regarde autour d'elle. Une chambre vide, une valise à peine défaite, un lit qui n'a manifestement pas servi. Quel bonheur de te revoir. Le voyage n'était pas trop long? Ah, tu as l'étoile avec toi. Laisse-moi les regarder. Francis. Je n'en dors plus. Je ne savais plus de quoi elles avaient l'air. Ah, mais celle-ci est très mauvaise. Francis. Et celle-là encore pire? J'avais plus de talent dans mes souvenirs. Elles sont magnifiques. Francis, est-ce que tu es allé à Cuba? C'est lourd, c'est empesé. On sent la main qui cherche à se débarrasser de ce qu'elle a appris. C'est la catastrophe! Et Cuba? Quoi Cuba? Tu y allais chercher le sucre? Le sucre? Le sucre? Non mais tu crois que j'ai le temps de m'occuper de ces conneries? J'ouvre une galerie, moi. Mais tu te rends compte des conséquences? Je suis foutu! Tu risques la cour martiale si l'armée la prend. Et toi maintenant qui veux me faire aller à Cuba? Je suis censé travailler quand avec tout ça? Ne te fâche pas, Francis. Mais c'est la guerre. Même si tu as tendance à l'oublier, tu es en mission. Tu as raison. Comme toujours. Nous irons après l'exposition. Alors, c'est ici que tu loges? Oui, c'est pas si mal. Tu n'as pas l'air d'y passer beaucoup de temps. Je dors très peu, tu sais. Bien. Je dois retourner à l'atelier. Je peux t'accompagner? Non. Installe-toi tranquillement, déballe tes affaires. On se retrouve ce soir chez Walter Ahrensberg, ok? Je t'ai noté l'adresse. Vers 20h. D'accord. 33 West... 67th Street, Walter and Lou Ahrensberg. Quelle drôle de retrouvaille. Francis a l'air de nouveau en pleine dépression. Qu'il ne me demande pas de mes nouvelles, ça m'étonne plus, mais là... Et pas un mot sur Marcel. Qu'est-ce qui se passe ici? Gabrielle regrette presque d'être venue. Elle a beau être habituée aux sautes d'humeur de Francis, elle n'en mesure pas moins toute la distance qui s'est installée entre eux. Pourtant, elle se force à se rendre chez les Ahrensberg ce soir-là, car elle pressent qu'elle y trouvera des réponses à ses questions. Baby, don't lead me, don't lead me downtown. Les Ahrensberg reçoivent tous les soirs dans leur luxueux appartement près de Central Park. De 1915 à 1922, c'est l'épicentre des milieux artistiques new-yorkais, qui voit passer entre ses murs écrivains et artistes américains ainsi que des Européens en exil. C'est le foyer de l'Esprit Dada de New York, une collection disparate de personnalités excentriques et libres au sein de laquelle rayonne Marcel Duchamp. You must be Mrs. Picabia. Mr. Arensberg, I am so pleased to meet you. I have read many of your poems. Oh, thank you, my dear. Mes poèmes ne sont pas très bons. Vous ne devez pas perdre votre temps avec ça. Je suis vraiment très honoré d'avoir chez moi le merveilleux couple Picabia enfin réuni. Plutôt désuni. Je n'ai pas encore aperçu Francis. Il ne devrait pas tarder. Victor est déjà là, c'est un signe. Je ne connais pas ce Victor. Vraiment? Pourtant, c'est un grand ami de votre mari. Et je l'apprécie beaucoup. Il a des idées sur l'art remarquables. L'autre soir, il a fait un très beau portrait de ma femme avec une machine à écrire. Enfin, ici, on vous dirait surtout que Totor est un womanizer. Un quoi? Collectionneur d'aventures. Absolument redoutable. Il est très culotté. Et ça marche vraiment avec les femmes. Je crois qu'il les fait rire. C'est toujours appréciable. Mais il ne se tâche à aucune. Il appelle ça le communisme sentimental. Ça lui permet de rester seul pour son travail. Les femmes américaines ont l'air particulièrement progressistes. Vous apprendrez ici vite que l'amour est un jeu. Et quel type de tableau fait-il? Il est célèbre chez nous pour son « Nous descendons un escalier ». Mais vous voulez dire Marcel Duchamp? Oh oui, pardonnez-moi, ici tout le monde l'appelle Victor. Et je ne sais pas pourquoi. Voulez-vous que je vous présente? N'en reviens pas. Alors comme ça, ici, Marcel est un don Juan. Quand je pense qu'à Paris, il avait tout à apprendre. Vous connaissez Isadora Duncan? Bien sûr. Dans ce cas, vous allez avoir le plaisir d'assister à une de ses danses. Sur la Marseillaise? En hommage à la France en guerre, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Et voici Francis. Je n'ai pas le courage d'aller vers lui maintenant. Il a l'air absorbé par le spectacle. Il a toujours eu un faible pour les danseuses. Gabrielle se sent soudain terriblement mal à l'aise. Les regards de complicité entre son mari et la belle danseuse américaine sont éloquents. C'est donc elle qui accapare l'esprit de Francis, et c'est sans doute chez elle, en réalité, qu'il s'est installé. À bout de force, Gabrielle décide de rentrer à l'hôtel. Attends, ne comptez pas disparaître comme ça. Enfin, Gabi, on va finir la soirée dans mon atelier. Viens avec nous. Marcel va te montrer son grand verre et on a besoin de ton avis pour l'exposition. Bon, on va te raconter ce qu'on a fait à New York. Oui, Marcel est en train d'inventer un truc épatant. Raconte-lui. J'appelle ça les ready-made. Mon costume de prêt-à-porter. C'est ça. En bref, Marcel prend une pelle à neige, griffonne une signature dessus, la met dans un coin de la galerie et il appelle ça une œuvre. C'est une œuvre, mais ce n'est pas de l'art. Personne ne la voit. Exactement, je libère l'art de la tyrannie du visible. C'est encore confidentiel, mais il y a des gens que ça intéresse. Tu cherches toujours ta quatrième dimension. Oui, sauf que j'ai compris. La quatrième dimension est inférieure au visible, juste en dessous. Comme une pelle ou un porte-bouteille. On ne les remarque pas parce qu'ils ne sont ni beaux ni laids, ils sont indifférents. Tu dis toujours que tu recherches l'indifférence. Moi, je crois plutôt que tu aimes bien te moquer de nous. Ce que je hais dans l'art, c'est le bon goût. Ceci est réussi, ceci est mal fait, cela n'est pas de l'art. Enfin, c'est ridicule. J'ai besoin de choses nouvelles, plus excitantes, qui m'excitent l'esprit. Qui t'a renoncé à l'art, alors? J'en ai assez de l'art. Il n'y a aucun mot qui soit plus vidé de son sens. Bon, vous venez? Vous allez passer la nuit à parler de la quincaillerie de Totor. Ah, Gabrielle Picabia. La femme au cerveau érotique. Que je suis content de te revoir. J'ai pardonné à Francis, comme toujours. On s'est bien amusé ce soir-là. On a beaucoup fait la fête depuis qu'on est à New York. On s'amuse plus qu'à Paris. Parfois, je me sens un peu coupable en pensant à la guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à part dire que tout ça est absurde? L'esprit patriotique, ce n'est pas notre fort de toute façon. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt que Francis et Marcel ne peignent plus du tout. Rien. Marcel est entièrement absorbé par les femmes et l'alcool. Il me regarde toujours, mais il est passé à autre chose. Ça lui va bien, d'ailleurs. Il est devenu très séduisant. Peu de temps après l'exposition de la Modern Gallery, Gabrielle force son mari à partir pour un voyage de plusieurs mois à Cuba pour essayer de régulariser sa situation militaire. Puis ils reviennent et les soirées reprennent. Picabia, dont le moral est de plus en plus instable, veut ensuite faire un long séjour à Barcelone. Pendant ce temps, Marcel Duchamp et Walter Arensberg contribuent à fonder la Société des artistes indépendants de New York. Ils sont membres du comité d'organisation de sa première exposition, qui doit ouvrir en avril 1917, avec pour mot d'ordre « ni jury, ni prix ». Toute œuvre qui sera envoyée par un membre de la société sera acceptée, quelle qu'elle soit. L'occasion est trop belle pour Marcel Duchamp de tester les limites de cette ouverture d'esprit. J.L. Mott Ironworks, donc c'est ici que nous allons, dans un magasin de plomberie? Tout à fait. Quelle idée avez-vous encore en tête? Vous allez comprendre. Hello, sir. How may I help you? I'm looking for a urinal, a white one, ceramics, very simple. This way, sir. Urinoir? Vous voulez dire, Marcel, qu'est-ce que c'est un autre de vos ready-made? Qu'en pensez-vous? Vous voyez, si je le place dans ce sens-ci, ne ressemble-t-il pas à un merveilleux objet d'art? Venant de vous, les Américains peuvent tout accepter. Justement. Je vais l'envoyer au comité sous un faux nom. C'est là que vous intervenez. Il me faut une fausse adresse pour un certain Richard Mutt. Oh my God, le comité va être furieux. Je vous promets que nous allons bien nous amuser. Je vais le signer ici, R. Mutt, et inscrire la date 1917. Et pour le titre? Je n'ai pas encore trouvé. Vous devriez l'appeler Fountain. C'est très décoratif. Fountain? Oui, pourquoi pas. J'aime le côté féminin. Et quand le comité voudra jeter l'œuvre de Mr. Richard Mutt par la fenêtre, est-ce que vous arriverez à garder votre sérieux? Je crois que oui. J'espère que vous prendrez ma défense. Mais naturellement, quelle scène cela va faire! Oui, ce sera sans doute ma plus belle œuvre. Thank you, sir. Have a good day. And you, sir. Il y a de plus en plus de ces baraques pour recruter des soldats. Oui. Et elles ont beaucoup de succès. Vous avez vu, Walter, elles sont remplies de jolies filles. Ça attire les messieurs. Pour les envoyer se faire massacrer. Et l'Amérique se dit puritaine. Vous voyez, c'est exactement ça que j'ai refusé quand j'ai quitté la France. C'est obscène. New York change beaucoup. C'est ça aussi, ma fontaine. C'est à cause de cette absurdité. Depuis le 6 avril 1917, la guerre est devenue mondiale. Les États-Unis sont entrés en guerre. Le jour de la déclaration, les Picabia sont sur le bateau qui les ramène de Barcelone à New York. Francis ne raterait l'exposition des indépendants pour rien au monde. Ils ne peuvent plus se permettre d'aller à l'hôtel Brevoort, mais sont logés par une amie américaine. Partout dans la ville, l'atmosphère guerrière s'installe et finit par déstabiliser les milieux artistiques. Dans leur maison de la 88e rue, les Picabia et leurs amis résistent encore dans une ambiance de fin du monde. Les soirées se font de plus en plus arrosées, électriques, parfois violentes. Et ce dernier verre, avant d'aller se coucher en l'honneur de Richard Mutt. À l'urinoir, à la Clairefontaine. Censuré par le comité. À la censure, qui revient toujours, même chez les artistes. À votre santé alors, monsieur Richard Mutt. J'ai bien vu que tu avais compris, toi, Gabi. Mais attention, il faut garder le secret, personne n'est au courant. Compris? Compris quoi? Et maintenant, que vas-tu faire? Tu veux dire que c'est toi, Marcel, qui... Mais je vais faire un peu de publicité autour de ça. Alors ça, ma femme est extraordinaire. Sous quelle forme? Je vais consacrer tout un numéro de ma revue à l'exposition des indépendants. Il y aura un long dossier sur le cas Richard Mutt. Quelle bonne idée. Au fond, ça ne me déplaît pas que le comité l'ait refusé. Comme ça, personne ne l'a vu. Ce n'est pas une œuvre qui se contemple avec les yeux. Pourtant, je commence à la trouver de plus en plus belle. La plomberie, la plus grande œuvre d'art de l'Amérique. On pourrait mettre ça dans la revue. Excellent! Et à côté, on me demande de faire une conférence éducative et pédagogique sur mes ready-made. Je vais leur montrer que ce n'est pas un accessoire pour salon de thé. Tu sais ce que j'ai imaginé pour ta conférence? Ah, je sens que Francis a une idée. À Barcelone, nous avons beaucoup vu notre ami Arthur Craven. Je crois que tu pourrais lui proposer d'éduquer ces dames à ta place. Craven, un maître de conférence. Pour une lecture de poésie. Ça me plaît bien, ça. Il faudrait juste le faire boire avant, juste assez pour qu'il soit incontrôlable. S'ils veulent de l'art moderne, ils vont être servis. Oh, yeah. La conférence d'Arthur Craven, bien sûr, tourne court. Le boxeur-poète, connu pour ses accès d'agressivité, se déshabille dès les premières minutes, puis lance des insultes à l'auditoire. Vingt mètres, bande de catins. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est ça, l'air? Dans le public, les amis s'étouffent de rire. La police emporte Craven, menotté au bout d'un quart d'heure. Bon, hein? L'air, c'est un gros écran dans votre face. C'est de la merde. Catin, salon de riche. Ce goût pour l'absurde et la provocation, sur fond de révolte contre la guerre, rencontre l'esprit du groupe Dada de Zurich que Tristan Tzara est en train de fonder au même moment. Pourtant, il n'existe pas de lien entre les deux groupes. À New York, la révolte se vit au quotidien, elle ne prend pas de forme cohérente. Ce n'est qu'après la guerre que Duchamp et Picabia seront en contact avec eux. Pour l'heure, en septembre 1917, Gabrielle quitte définitivement New York pour Paris, laissant derrière elle un chapitre de sa vie. Adieu New York. J'ai besoin d'être un peu seule. Francis aura le champ libre pour ses aventures. Le rôle de la femme trompée, c'est pas mon truc. Enfin, je vais quand même essayer de l'aider avec ses ennuis militaires. Il s'est mis dans de beaux draps. Il est incapable de s'en occuper. J'espère que les enfants vont bien, ça fait longtemps. On peut dire que New York nous a bien secoués. Je suis sûre qu'il en restera quelque chose de toute cette folie collective. C'était notre manière de refuser, notre réaction face à la mort. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre de toute façon ? On ne pouvait pas passer notre temps à crier contre la guerre. New York 1915, Marcel Duchamp révolutionne l'art de Camille Azaïs avec Marcel Duchamp, Gauthier Abou, Gabriel Buffet-Picabia, Florence Mazot, Francis Picabia, Julian Egerix, Walter Arensberg, Geoffrey Carey, Arthur Cravan, Steven Chagov et les voix de Myrène Astray, Garance Sylve, Dimitri Doré et Vincent Pavago. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Delphine Baudet et Émilie Couette, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Marcel Duchamp, Francis et Gabriel Picabia avec mon invité Bernard Marcadet. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Au bord de l'eau, un pigeon défunt, pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent, l'orage dort sous la grève, tout corps et tout, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas, reposé vers là. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles. Une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain, se voilà-t-il au regard éteint. Moi je crois revenu apeuré et nu du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus d'une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus d'une poupée vaudou. Feu Chatterton, l'oiseau sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, la technique Célim Guéribi, et je remercie France Bleu Pays Basque. Bernard Marcadet, On a souvent dit que la Première Guerre mondiale marquait l'entrée dans le XXe siècle. Est-ce que cette guerre est aussi une charnière dans l'histoire de l'art? Là, on a un petit peu cette impression. C'est décisif. Hein. La guerre de 14-18, comme on dit, elle opère véritablement un bouleversement dans le monde intellectuel et dans le monde de l'art en particulier. On ne peut pas comprendre, par exemple, Dada, qui naît donc d'une certaine manière simultanément, on pourrait dire, en Suisse et aux États-Unis. Il ne porte pas aux États-Unis le mot Dada, mais il n'empêche qu'il est dans le même esprit. Donc il y a vraiment une sorte d'internationalisation de la révolte. Et l'art est très en pointe. Francis Picabia comme Marcel Duchamp ne veulent pas faire la guerre. Alors ils trouvent tous les moyens pour ne pas la faire. L'un avec un souffle au cœur, Marcel Duchamp, et l'autre en faisant semblant d'avoir une mission aux États-Unis. Mais en fait, ils sont antimilitaristes profondément. De la même manière, en Suisse, en Allemagne, c'est véritablement un mouvement contre la guerre mené par les artistes et les poètes, Tristan Tzara, Raoul Hausmann, qui vont changer la donne de l'art à ce moment-là. Et ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est de voir comment New York joue un rôle. Alors que New York, c'est pas grand-chose sur le plan intellectuel et sur le plan artistique. Tous les Américains sont obsédés par la France, par l'Europe, par le cubisme, par le futurisme, par le fauvisme, par l'impressionnisme, par tous les ismes, comme disait Marcel Duchamp. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce trio magnifique, Gabriel, Francis Picabia, Marcel Duchamp, comment ils vont s'en saisir de New York, de l'Amérique, de ce nouveau monde, et comment ils vont sentir que ce nouveau monde porte sans doute les germes du futur et du futur de l'art. Qu'est-ce qui arrive à Marcel Duchamp pour qu'il ait cette idée comme ça de mettre donc une roue de bicyclette sur un tabouret ou un porte-bouteille et puis cette urinoir là, on est en 1917, qu'est-ce qui lui prend par la tête? C'est quoi? C'est une blague ou c'est un concept? C'est quoi l'idée? Je pense que c'est tout à la fois. C'est aussi bien une blague, bien sûr, parce que Marcel Duchamp est très très lié au monde Montmartre III. Et à Montmartre, il y a eu ce fameux tableau fait avec la queue d'un âne. Roland d'Orgelès. Avec Roland d'Orgelès. Donc déjà, il adorait les farces. C'est vraiment quelqu'un qui vient du monde de l'humour et du monde de... Et en même temps, c'est très sérieux. Et c'est ça qui est tout le paradoxe magnifique, je crois, de Marcel Duchamp, c'est de faire à la fois des plaisanteries et que ces plaisanteries, finalement, sont sérieuses. Au fond, Marcel Duchamp, il a très vite compris qu'il ne serait pas un grand peintre, qu'il ne serait pas, au fond, Picasso, et qu'il serait même peut-être pas Braque, et qu'il était moins même bon que ses deux frères, que son frère sculpteur et que Jacques Villon, le peintre. Il a senti des limites, et ça, c'est peut-être que le génie de Marcel Duchamp tient là, d'avoir compris très vite ses propres limites dans le monde traditionnel de l'art. Et du coup, d'avoir déplacé cette question. Le ready-made, c'est vraiment la réponse de Marcel Duchamp à la fois à son impossibilité ou à son impuissance à peindre ou à être un grand peintre, même si le nu descendant un escalier a eu le succès, surtout aux États-Unis, qu'on croit, mais un succès de scandale, finalement. Hein. Et du coup, par une plaisanterie et par une succession de plaisanteries, d'une certaine manière, il inaugure une grande voie de l'art moderne. Oui, c'est l'idée qu'on met un objet et à partir du moment où un artiste dit « c'est de l'art », ça devient de l'art, c'est ça? C'est en tout cas la définition qu'en avait donnée André Breton. Oui, c'est essayer de trouver la chose la plus triviale, la plus, pour Marcel Duchamp, la plus indifférente. Et effectivement, en le plaçant, en le décontextualisant, en le faisant passer de la salle de bain ou des toilettes au musée, évidemment, de lui faire accéder à l'art. Mais en même temps, quand on regarde ses œuvres maintenant, avec le temps, elles ont mis du temps avant d'exister, avant de produire véritablement leur effet. Marcel Duchamp a tenté d'introduire cet objet au sein de l'exposition des indépendants de New York en 1917. Il n'y est pas arrivé. Cet objet a disparu, il a été photographié par Stiglitz, il a été photographié, il y a eu une reproduction dans une revue. Mais ce n'est que vraiment dans les années 60 ou à la fin des années 50, dans les années 60, que finalement ce geste radical de Marcel Duchamp va prendre son effet avec les gens du pop art américain, particulièrement Jasper Johns et Robert Rauschenberg. C'est eux qui vont aller chercher Duchamp, qui était présent à New York, mais qui vivait de manière très discrète. Il essayait de se faire le plus petit possible. Ce qui est intéressant aussi chez Marcel Duchamp, qui apparaît bien dans la fiction, c'est qu'il n'a rien du grand artiste un peu cynique et froid. Il n'aime pas le statut d'artiste. En 1916, j'ai lu qu'il avait refusé l'offre d'une grande galerie qui lui proposait 10 000 dollars par an pour l'exclusivité de son œuvre. Il a dit non, j'ai refusé parce que, eh bien, pourtant, je n'étais pas riche. Il ne pouvait pas m'obliger à peindre 20 tableaux par mois. Il ne cherche pas à vivre de l'art. Non, il n'a jamais vécu de son art, il s'est toujours méfié du monde de l'art, et des artistes en particulier. Il a toujours vécu d'autres choses, il a gagné son argent, pas beaucoup d'argent, parce qu'il n'avait pas beaucoup besoin d'argent. Ça c'est sans doute aussi tout le génie, tout l'art de vivre, on pourrait dire, de Marcel Duchamp, c'est de dépendre de très peu de choses. De quoi il vivait en fait? Il avait une rente? Alors, de son père, c'est ça? Alors il vivait de cours avec des jeunes filles particulièrement américaines. Il organisait surtout les expositions. Il a beaucoup organisé les expositions d'André Breton, les expositions surréalistes dans les années 30. Il a vendu, il faisait, on pourrait dire, le marchand. Il a vendu des Brancusi avec son compère Henri-Pierre Rocher. Il aidait, bien sûr, il a contribué à constituer le premier musée d'art américain avec Catherine Dreyer. Et voilà, ce sont des activités périphériques, mais ses œuvres, il les a vendues très très très peu cher. Il n'a jamais vraiment vécu de son travail d'artiste. Et les autres du trio, donc Francis Picabia et Gabriel Buffet Picabia, devenu Picabia par son mariage. Oui, alors Picabia est un artiste d'abord qui a beaucoup d'argent. Il a une femme très très intelligente, Gabrielle Buffet. C'est elle qui évidemment met le pied à l'étrier de Marcel Duchamp. Ouais, de Marcel Duchamp. Et Picabia, d'abord, c'est un grand dépressif. Hein, on dirait aujourd'hui un grand bipolaire, un grand maniaco-dépressif. Donc c'est tout à fait le contraire. Mais il aime le luxe. Il a quand même eu 200 voitures dans sa vie, 3 yachts. C'est vraiment la figure opposée. C'est au-delà même de Pablo Picasso. Hein. Picabia, c'est véritablement une sorte de personnage incroyablement extraverti. Quand il a connu Marcel Duchamp, il faisait des copies de tableaux impressionnistes. Il en a fait au moins 200 ou 300. Il a beaucoup vendu. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné la peinture. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce couple Duchamp-Picabia. L'un a vraiment décidé à un moment donné d'abandonner la peinture. Et alors que Picabia, jusqu'à sa mort dans les années 50, il a continué à peindre et finalement a gagné sa vie avec la peinture. Donc c'est vraiment deux figures, et pourtant qui sont indissociables. Bernard Marcadet, je vous propose d'écouter la voix de Gabriel Buffet Picabia, qui va vivre jusqu'à l'âge de 104 ans, et décédé en effet en 1985. La voici interviewée en 1971 à la télévision. Elle parle de l'époque charnière qu'a été 1911-1913 dans l'art en France, et en particulier le rôle de Marcel Duchamp. En France, au fond, à l'époque, il y avait Picasso, il y avait Picabia, et je dois dire que les autres suivaient. Il y avait Kupka aussi, je ne veux pas... Non, il y avait aussi Duchamp, qui était alors vraiment déjà entièrement, complètement révolutionnaire, bien qu'il ne fût... Il ne fut attaché à sa famille, une famille très classique, et que jusqu'en 1911 ou 12... Il est resté influencé par Cézanne, mais il était resté classique. Et il est certain que sa rencontre avec Picabia a aussi agi sur sa transformation. Et puis lui aussi s'est senti soutenu, car lorsqu'il a voulu exposer son nu descendant l'escalier aux indépendants, on l'a refusé. Alors donc, il fallait quand même une grande énergie, un grand courage pour sortir complètement de l'organisation des arts et faire sa route tout seul. Donc Gabriel Buffet Picabia, 1971, rendant hommage au talent, au courage de Duchamp et aussi à l'influence de Picabia pour donner confiance en lui-même à Duchamp. Mais son rôle à elle le passe totalement sous silence. Oui, et puis la belle histoire d'amour. Oui, aussi. La belle histoire d'amour passionnelle qui est entre Marcel et Gabriel. Ah là, les vieilles, ça, aussi, c'est... quand elles parlent de tout ça. Oui, oui, et ça c'est beau, parce que c'est vrai que la mariée, cette fameuse mariée, ou le grand verre, qui est aussi donc la mariée mise à nu par ses célibataires même, sont vraiment des hommages et des clins d'œil très très charmants et très forts de Marcel Duchamp à Gabrielle. La mariée, c'est la mariée, c'est celle qui est la femme de Francis Picabia, de son meilleur ami. On dit qu'ils sont devenus amants, après, quand oui. Quand Gabrielle n'était plus la femme de Picabia. Voilà, ah oui, ça, c'est très important. C'est au assez fond, étonnant. La mariée, c'est la femme avec laquelle on ne couche pas. Voilà. Et comme dans le grand verre, il n'y a pas de rapport c'est sexuel la mariée pour entre le célibataire. Les deux registres. Absolument. C'est étonnant cette trajectoire de Gabrielle Buffet, cette jeune femme qui était musicienne, très douée, qui avait décidé de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Puis quand elle rencontre Picabia, eh bien, elle abandonne ses études, se marie, elle fait 4 enfants avec lui. Je pense qu'elle ne va pas le regretter, mais elle va devenir une espèce de muse, pourrait-on dire, pour Picabia et Duchamp, et pour d'autres artistes d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire peut-être que c'est une muse? Je ne suis pas sûr. Les muses sont du côté de Picasso. Elles sont pas forcément du côté de Picabia, encore moins de Duchamp. Je pense c'est quoi, que c'est véritablement une femme forte. C'est une Amazone, c'est un mentor. Je sais pas, il faudrait trouver un féminin, un mentor. C'est quelqu'un qui a une influence décisive. Le fait qu'elle était musicienne de formation, une très grande musicienne, elle a vraiment mis Picabia du côté de l'abstraction. Parce que l'art musical est par essence abstrait. Et ça, véritablement, Picabia a écouté ces leçons de Gabrielle. En plus, c'est une très bonne écrivaine, donc elle a aussi écrit des très beaux textes, à la fois sur Francis Picabia et aussi sur Marcel Duchamp. Donc, on peut pas dire qu'elle soit un objet comme ça d'admiration. C'est véritablement quelqu'un qui a eu une action sur ces deux hommes, très forte. Marcel Duchamp meurt le 2 octobre 1968, à l'âge de 81 ans. Où est-ce qu'on peut voir ses œuvres aujourd'hui? On peut en voir en France, au Centre Pompidou par exemple? Oui, au Centre Georges Pompidou, et surtout il faut faire le voyage à Philadelphie. Aha. Pour voir effectivement la belle version de La mariée mise à nu par ses célibataires mènes, mais la dernière œuvre de Marcel Duchamp, au titre magnifique, étant donné premièrement la chute d'eau, deuxièmement le gaz d'éclairage. Il n'y a que là qu'on peut la voir, et voilà, c'est là où il y a le plus d'œuvres de Marcel Duchamp, puisqu'il est devenu américain, même s'il est mort à Neuilly en 1968. Merci beaucoup Bernard Marcadet, je conseille la lecture de votre livre Marcel Duchamp, donc la biographie, dans la collection Grande Biographie chez Flammarion, et vous préparez aussi une biographie de Francis Picabia à paraître également chez Flammarion. À lire aussi Marcel Duchamp de Judith Houzès chez Grasset, et la biographie de Gabrielle Buffet Picabia, Gabrielle, écrite par ses arrière-petites-filles Anne et Claire Berest chez Stock. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir, vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai une page méconnue et pourtant cruciale de l'histoire de France, quand, quelques jours avant le débarquement du 6 juin 1944, Roosevelt, le président américain, méfiant à la garde de Gaulle, tenta de décider sans lui du sort politique de la France libérée, ce qui valut de belles engueulades et de bons coups de sang jusqu'à la dernière minute entre de Gaulle et Churchill. Un texte de Jean-Yves Naour, et je recevrai François Kersaudy. 6 juin 1944, quand De Gaulle a dit non aux alliés, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash, ne manquez pas l'ami Soro Solo dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.